Fergusson devint fort inquiet. Cette obstination du vent à le rejeter vers la partie méridionale de l'Afrique déjouait ses calculs. « Voici la pluie qui va redoubler, dit Joe. Et cette fois, ce sera le déluge, s'il faut en juger, par ce nuage qui s'avance. » Je respire, dit le docteur, en déposant sa lunette. « Ce n'est pas un nuage. »« Par exemple, fit Joe. Non, c'est une nuée. »« Eh bien, mais une nuée de sauterelles. » Fergusson disait vrai. Ce nuage épais, opaque, d'une étendue de plusieurs milles, arrivait avec un bruit assourdissant, promenant sur le sol son ombre immense. C'était une innombrable légion de ces sauterelles auxquelles on a donné le nom de criquets. À 100 pas du Victoria, elles s'abattirent sur un pays verdoyant. Un quart d'heure plus tard, la masse reprenait son vol et les voyageurs pouvaient encore apercevoir de loin les arbres, les buissons entièrement dénudés, les prairies comme fauchées. On eût dit qu'un subit hiver venait de plonger la campagne dans la plus profonde stérilité. Vers le soir, le pays devint plus marécageux. Dans une grande île apparut alors la ville de Djéné, avec les deux tours de sa mosquée de terre. Même à la nuit, l'activité paraissait très grande. Djéné est en effet une ville fort commerçante. Elle fournit à tous les besoins de Tambouctou. Ses barques sur le fleuve, ses caravanes par les chemins, y transportent les diverses productions de son industrie. Le docteur réussit à maintenir le Victoria dans une zone plus favorable à ses plongées. À 4 heures du matin, les premiers rayons du soleil éclairaient Sego, la capitale du Bambara. Encore 2 jours dans cette direction, et avec cette vitesse, nous atteindrons le fleuve du Sénégal, dit le docteur. Et nous arriverons jusqu'à la côte occidentale. Et ce sera fini, fit Joe. Eh bien, tant pis. Si ce n'était le plaisir de raconter, je ne voudrais plus jamais mettre pied à terre. Pensez-vous qu'on ajoute foi à nos récits, mon maître? Qui sait, mon brave Joe? Enfin, il y aura toujours un fait incontestable. 1000 témoins nous aurons vu partir d'un côté de l'Afrique, 1000 témoins nous verrons arriver à l'autre côté.